dice. Prêt à comment il est. La Dolitron nous ça donne paquet. Zetez les pieds, zetez les pieds, zetez. Bouge les reins, allez, bouge les reins, ah là là. Zetez les pieds, zetez les pieds, zetez. Bouge les reins, allez, bouge les reins, ah là là. Coupez, décalez, coupez, approchez. Coupez, décalez, coupez, approchez. Avance, avancez, avance, avancez. Recule, reculez, recule. Prêt pour danser. Ouais. Réal, comment il est? Il est là, il est là. La Dolitron nous ça donne paquet. Ah. Réal, comment il est? Il est là, il est là. Est-ce que ça l'est prêt pour danser? Ouais. Réal, comment il est? Il est là, il est là. La Dolitron nous ça donne paquet. Ah. Levez les mains. Réal, comment il est? Il est là, il est là. Est-ce que ça l'est prêt pour danser? Ouais. Réal, comment il est? Il est là, il est là. La Dolitron nous ça donne paquet. Ah. Réal, comment il est? Il est là, il est là. Est-ce que ça l'est prêt pour danser? Nous ça donne paquet. Ça donne paquet.